y en a marre de ces radios qui se disent rock. British Connection, au moins c'est rock and roll. Bonjour, c'est Frédéric Granier pour l'émission British Connection. Alors je suis écrivain, journaliste, chef de service au magazine Géohistoire et j'ai signé plusieurs ouvrages sur la culture pop, notamment Blur versus Oasis, sorti aux éditions du Castor Astral, plus exactement dans une collection qui s'appelle A Day in the Life et qui a pour but de revenir sur une journée qui a bouleversé l'histoire du rock et de la pop, en l'occurrence ici le 14 août 1995, quand Oasis avec son single Roll With It s'est opposé à Blur avec le single Country House. C'est un livre qui n'est pas seulement musical, mais qui est aussi un livre historique, politique, puisqu'il aborde la fin des années Thatcher et puis l'aube des années Tony Blair. C'est un livre qui revient aux sources de la Cool Britannia, c'est du renouveau de la culture anglaise, et qui évoque le boom de ce qu'on a appelé la Britpop, c'est-à-dire qu'au début des années 1990, face à la domination totale des artistes américains dans les classements, hein, on songe au grunge de Nirvana ou de Pearl Jam, eh bien, il va y avoir une sorte de revanche des Anglais, une sorte de sursaut d'orgueil, hein, avec l'apparition de groupes qui vont revendiquer leur anglicité, qui vont essayer de rechercher les sonorités typiques des grands maîtres du rock et de la pop des années 60-70, hein, comme les Kings, Bowie, les Beatles et les Stones, et qui vont reprendre un peu des paroles un peu plus décadentes que ce qu'on pouvait écouter du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Et le premier de ces groupes, ce fut Suede, qui, avec son album éponyme, a cartonné au début des années 90, un peu moins avec le deuxième, Dogman Star, qui n'a pas rencontré le succès escompté. Et donc, là, au milieu des années 90, la presse musicale va se mettre en recherche d'un groupe emblématique qui pourrait reprendre cette couronne de la Britpop. Et le plus évident, ça va être Oasis, qui est un groupe de Manchester mené par Noel Gallagher, le guitariste et compositeur, avec Liam Gallagher, son petit frère au chant, et qui va rencontrer un succès extraordinaire avec son premier album, Definitely Maybe. Et donc ils vont être très attendus au tournant avec leur deuxième album, What a Story in Morning Glory, qui est censé sortir en octobre 1995. Et en préambule, ils doivent sortir des singles, et l'un de ces singles, ça va être Roll With It, qui sort le 14 août 1995 et que je vous propose d'écouter. You gotta say what you say. British Connection, avec vous depuis 1982. You rock! Alors, Roll With It, c'est une chanson efficace, concoctée par Noel Gallagher, un peu dans l'esprit du rock binaire des années 70 que pouvait produire à l'époque Status Quo. C'est pas ce qu'il a fait de plus réussi, Noel Gallagher, mais bon, en tout cas, ça fait l'affaire pour ce grand match de la Britpop qui va les opposer à Blur et qui sort la même semaine le single Country House. Alors Blur, c'est un groupe qui est originaire de Londres, hein, qui a été formé en 1989 par le chanteur Damon Albarn et le guitariste Graham Coxon, et qui lui aussi est emblématique de cette Britpop qui est au centre de toutes les attentions au début des années 90. C'est un groupe, Blur, qui a eu des difficultés au début de sa carrière, qui a eu du mal finalement à sortir des singles à succès, qui a fait une tournée aux États-Unis, qui a été un véritable désastre, et puis qui a trouvé un peu son style avec le deuxième album qui s'appelle Modern Life is Rubbish, très inspiré de ce que pouvaient faire les Kings et David Bowie dans les années 60. Et surtout avec leur troisième album, Park Life, qui est sorti en 1994 et qui a atteint la première place des charts anglais, avec un premier single, Girls and Boy, qui a été un hit inspiré, qui dépeint un peu les mœurs des banlieusards londoniens qui partent à Ibiza s'éclater. Et voilà, et eux comme Oasis, ils sont un peu attendus au tournant, puisqu'on attend leur nouvel album avec impatience. Lui aussi est censé sortir à la rentrée 1995. Et pour le single qui va servir de préambule à cet album qui s'appelle The Great Escape, et bien ils vont choisir la chanson Country House, qui est une chanson un peu goguenarde sur un bourgeois qui s'offre une maison à la campagne et qui sonne vraiment comme ce que pouvait écrire Ray Davies dans les années 60. Hein. D'ailleurs, les Kings avaient sorti à l'époque une chanson qui s'appelle A House in the Country, hein, quasi homonyme. Et donc on a cette opposition entre Country House et Roll With It, qui sortent le même jour, le 14 août 1995, et qui va être totalement orchestré par le New Musical Express, qui est la grande publication musicale à l'époque où les publications musicales vendaient encore. Je vous propose donc d'écouter Country House de Blur. British Connection. City dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in a century's anxiety. Yes, it preys on him. Watching afternoon repeats and the 38s in the country. He takes a manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going jack and jory. In touch with his own mortality. He's reading balls and looking bad. It's a helping hand that makes you feel wrong as you're blind. Oh, it's a century's remedy for the things that haunt. Start trying simple. Lives in a house, a very big house in the country. He's got a fog in his chest, so he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes herbal baths in the country. She comes to no harm on the animal farm in the country. In the country. In the country. In the country. Yates and the 38s in the country. He takes all manner of pills and piles up analyst bills in the country. Oh, it's like an animal farm, that's a rural charm in the country. So he needs a lot of rest in the country. He doesn't drink, smoke, laugh, takes love, all grass in the country. Since she comes in the home from the animal farm in the country. You are listening to British Connection, the best radio rock show in the galaxy. Alors pendant toute une semaine, l'Angleterre va vivre cette rivalité qui est orchestrée par les journalistes du New Musical Express, à savoir qui de Oasis ou de Blur sortira gagnant. Et on a l'impression alors de vivre ou de revivre finalement la grande rivalité des Beatles et des Stones dans les années 1960, à l'époque du Swinging London, rivalité qui en réalité n'existait pas vraiment, puisqu'on sait que les Beatles et les Stones étaient amis et participaient même à leurs enregistrements respectifs. Mais il n'empêche que on va parler de Blur et Oasis comme une sorte de revival de la grande époque du rock anglais. C'est une rivalité qui va pas seulement être musicale, mais qui va être un peu sociale, voire politique, puisqu'on va opposer finalement les lads, c'est-à-dire les Oasis du Nord, de Manchester, aux intellos londoniens de Blur. Et donc on va avoir une sorte de lutte des classes à travers cette guerre pour savoir qui de Roll With It ou de Country House sera numéro 1. Et au bout de cette semaine, on va découvrir que c'est Country House qui va gagner cette bataille de la Britpop, puisque Blur aura vendu un peu plus de singles que Oasis. Évidemment, Noel Gallagher et Liam Gallagher vont fulminer, mais finalement, ce sera un peu une victoire à la Pyrrhus pour Blur, puisque quelques mois plus tard, c'est véritablement Oasis qui va dominer et très très largement la compétition, puisque l'album What a Story Morning Glory va vraiment tout balayer sur son passage et devenir l'un des albums les plus vendus de tous les temps, non pas grâce au single Roll With It qui finalement était assez médiocre, mais par la force de leur grande ballade, de leur tube intemporel, Wonderwall, qui sortira en single un peu plus tard. Et Wonderwall, ça va incarner finalement la quintessence de cette cool Britannia, de ce retour en verve de la culture britannique, puisque c'est pas seulement un phénomène musical, hein, il va y avoir aussi des cartons au cinéma avec des films comme The Full Monty, comme Trainspotting. Il va y avoir des auteurs anglais qui vont devenir des superstars, hein. Je pense à Nick Hornby. Il y a des créateurs comme Alexander McQueen qui vont vraiment imprimer leur patte. Et donc, il y a quelqu'un qui va regarder ça de très près, hein, qui s'appelle Tony Blair, qui se dit que ça serait pas mal pour lui de s'associer à l'image d'Oasis et de tous ces jeunes créateurs pour finalement capter l'électorat jeune et remporter les élections législatives de 1997. Donc on peut dire finalement que Oasis et le succès de la Britpop aura contribué au succès de Tony Blair et du New Labour en 1997. Et évidemment la chanson qui incarne cette quintessence de la cool Britannia, eh bien c'est Wonderwall que je vous propose de réécouter aujourd'hui.

et j'avais pas d'instrument de musique là-bas, j'ai pas pu le prendre dans l'avion, donc en fait j'ai cherché un peu sur le bon coin là-bas, je sais plus comment ça s'appelle, et j'ai trouvé une guitare. Alors c'était une Gibson, donc je vous laisse imaginer la sous-marque de sous-marque. Donc c'était une 12 cordes que j'ai payé 40 ou 50 balles et qui était complètement fucked up. Il y avait rien qui allait dessus, le manche était tordu, il manquait des cordes. Donc j'ai jamais pu accorder cette guitare et donc je jouais dessus désaccordé, mais vraiment désaccordé, c'est injouable. Et en fait le riff qui est sorti de cette guitare, c'était le riff de Mars Might. Et j'ai enregistré ça sur mon téléphone et deux ans plus tard, en enregistrant l'album, je suis retombé sur l'enregistrement. C'était hyper galère de retrouver les notes, je comprenais pas comment se jouait ce riff. Et en fait, petit à petit, j'ai compris que c'était des tunes, qu'il y avait un accordage vraiment bizarre. Donc j'ai recherché cet accordage et j'ai réussi à rejouer le riff de Mars Might à peu près comment il était à la base. Et voilà, donc c'est comme ça que ce riff a été créé. Yeah.